À l'occasion du 80e anniversaire de la constitution de l'Association pour la libération de la patrie, la direction d'édition des timbres d'État a fait paraître une vignette de timbre. Le timbre figure la peinture à l'huile du président Kim Il-sung qui déclare la constitution de l'association à l'historique réunion de Tongan le 5 mai de l'an 25 du Juche 1936. À la partie supérieure, on a écrit 80e anniversaire de la constitution de l'Association pour la libération de la patrie, l'an 25 du Juche 1936 et l'an 105 du Juche 2016.